Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 en France. C'est une lutte non violente et on découvre à quel point on est plus armé qu'en étant violent. On dit marcher, être non violent. Bon, on l'a prouvé aujourd'hui. Qu'on arrête de dire à partir de cet instant que Romain Guette, il y a que des violents et des loupards. Marcher pour l'égalité et contre le racisme, cette idée toute simple va petit à petit faire son chemin et cette marche pour l'égalité contre le racisme, qu'on va aussi appeler la marche des beurs, va finalement se transformer en événement majeur au cours de l'automne 1983. Au départ de la marche, le 15 octobre à Marseille, ils ne sont qu'une poignée de marcheurs, mais à leur arrivée à Paris le 3 décembre, ils vont réussir à rassembler plus de 100 000 personnes avec eux dans un grand défilé dans les rues de la capitale. Je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance, nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer, ces meurtres de jeunes un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Et puisque les grandes organisations manifestement hésitent à se lancer dans une campagne d'envergure, eh bien nous allons prendre la route, comme d'autres avant nous l'ont prise, ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi, et nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité. La marche de quoi? La marche des beurs. C'est quoi ça? Ils n'en ont jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Ils ont 20 ans. Cette marche des beurs, de l'égalité, voilà, se déroule en 1983, il y a 30 ans. Les 99% des jeunes issus de l'immigration maghrébine n'a gardé aucune mémoire de ce que nous avons construit. C'est l'écrivain et ancien ministre français délégué à la promotion de l'égalité des chances, Azouz Begage, que vous venez d'entendre. Et juste avant lui, le prêtre Christian Delorme, l'un des organisateurs de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 en France. Ces deux extraits sont tirés du documentaire de Samia Chala, Thierry Leclerc et Naïma Yahi, « Les marcheurs, chroniques des années beurre », un documentaire sorti en 2013. Pour nous raconter l'histoire de cette marche pour l'égalité et contre le racisme, je reçois Jean-Pierre Le Glonec, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, ami de l'émission. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Alors, quelle importance a eu cette marche, Jean-Pierre Le Glonec, cette marche pour l'égalité et contre le racisme? C'est un moment déterminant pour l'histoire de la France au début des années 1980, un moment tournant dans l'histoire de l'immigration, un moment tournant également dans l'histoire de l'antiracisme. J'ai envie de parler de cette marche pour l'égalité et contre le racisme comme une sorte de prémisse du mouvement Black Lives Matter à la française, une trentaine d'années finalement avant le Black Lives Matter américain, hein, du 15 octobre 1983 au 3 décembre 1983. Ce sont les fils et filles des immigrés de France qui prennent la parole et qui, d'une certaine manière, mettent en place les conditions d'existence d'une sorte de mai 68, hein, des enfants de la population immigrée en France. Ouais, on le dit souvent, c'est leur mai 68 à eux, à cette France de l'immigration. Et puis c'est un petit électrochoc, je pense qu'on peut voir ça comme ça à ce moment-là, qui secoue toute la France. Pourtant, je reviens à cet extrait qu'on entendait il y a un instant. Vous l'avez entendu, Azouz Begage, l'ancien ministre, qui dit... On a à peu près tout oublié de ça. Ça s'est perdu, la mémoire de cette marche-là. Pourquoi, Jean-Pierre Le Glonec? Ben écoute, c'est une question difficile de répondre à cette question. L'événement du 15 octobre, 3 décembre 1983 est un événement vraiment fondamental sur le plan quantitatif. On parle de la plus grande manifestation antiraciste dans l'histoire de France au début des années 1980. Cependant, cette manifestation ne se traduit pas le 4 décembre 1983, contrairement à ce qui se passe par exemple aux États-Unis dans les années 60, par l'émergence d'un mouvement social qui mènerait finalement à l'adoption de lois sur, l'égalité des populations donc d'origine immigrée. Alors il n'y a pas cette culture du mouvement, et ensuite, pour des raisons politiques, finalement, la marche n'entre pas dans la mémoire collective, car l'État français ne considère pas qu'il est important de se souvenir de ce moment. C'est un moment particulièrement clivant dans les années 80-90, alors que la France se déplace progressivement vers la droite et l'extrême droite, et au fur et à mesure qu'en France, on parle d'un problème immigré. Alors à partir du moment où on parle d'un problème immigré, hein, vous comprenez qu'il est difficile de faire une place dans la mémoire collective à un événement aussi déterminant qu'une prise de parole, de la part des jeunes adultes, des jeunes enfants finalement, des populations immigrées de France. Ouais. Parlons du nom qu'on va donner à cette marche, parce que ça aussi, ça va créer une certaine polémique. On va très vite rebaptiser cette marche pour l'égalité contre le racisme de marche. On va la rebaptiser Marche des Beurs, cette marche-là. C'est une étiquette qui a été assez rapidement contestée par ceux qui ont participé à la marche. Pourquoi cette nouvelle étiquette et pourquoi son rejet massif par les marcheurs de 83? Oui, c'est un terme, le terme beurre est un terme problématique. C'est un terme qui est surtout utilisé à la fin des années 70 et au début des années 80 par les populations d'origine maghrébine dans la banlieue parisienne. Beurre signifie donc arabe en verlan. C'est un terme qui est presque pas utilisé dans le reste de la France. Il est mentionné pour la première fois au mois de mars 1983 dans le journal Le Monde. Et c'est vraiment donc au cours de la marche pour l'égalité et contre le racisme que le terme est popularisé dans la presse régionale et finalement via des dépêches qui racontent finalement l'histoire de la marche. Le terme beurre est problématique car d'une certaine manière au départ c'est une forme d'auto-désignation politique de la part de populations issues de l'immigration, mais à la fin de l'année 83 et au début de l'année 84 on va finalement utiliser le terme de marche des beurres d'une certaine manière pour invisibiliser la philosophie politique des marcheurs et marcheuses qui ne se réclamaient pas de leur identité immigrés, mais qui se réclamaient finalement des valeurs, des grandes valeurs de la France, la liberté, l'égalité et la fraternité. En fait, on dit, ce que ces marcheurs disent au pouvoir et aux Français, c'est on veut notre place dans cette République. En fait, l'étiquette marche des beurs est pour certains vue comme réductrice. C'est un peu ça, je pense, le principal reproche. Oui, tout à fait. Les marcheurs et marcheuses qui partent de Marseille pour Paris clament, chantent de Marseille jusqu'à Lyon, de Lyon jusqu'à Mulhouse, Mulhouse-Montbéliard, Montbéliard-Amiens, etc., jusqu'à la région parisienne. Ils clament et ils chantent « Nous sommes d'ici ». Nous sommes d'ici, ce sont des fils et filles d'immigrés, mais ils ne veulent pas être définis par une étiquette finalement qui devient, dans la bouche des principaux journalistes français des années 83-84, une sorte d'étiquette folklorisante ou ethnicisante. Ce sont des Français à part entière, indépendamment de leurs origines. Ouais. Alors parlons de ce contexte justement. Vous parlez de ces journalistes de l'époque, de l'usage qu'ils font de l'expression beurre, de cette étiquette un peu réductrice. Elle en est où cette France-là, ces journalistes, mais plus largement le pouvoir politique? Cette France du début des années 80 sur ces questions d'immigration et de racisme. C'est une question difficile, la question du contexte, parce qu'au fond, il faut rappeler qu'on est dans une France post-coloniale. La guerre d'Algérie est terminée depuis quelques années seulement. Le Maroc, la Tunisie, les principales colonies françaises ont acquis leur indépendance. Donc, dans les années 70, la France change de visage. Ce n'est plus une France coloniale, c'est une France post-coloniale. Cependant, la France a toujours besoin, dans les années 60-70, d'une forte population immigrée afin de faire tourner les usines de la métropole. Seulement, voilà, la situation change sur le plan économique. La France entre, comme tant d'autres pays, dans une crise de la désindustrialisation. Et on assiste donc dans les années 70 à vraiment à l'essor d'un racisme à la française, de sentiments au pluriel xénophobes au fur et à mesure que les pouvoirs politiques français identifient les immigrés et leurs enfants en France, non plus comme une ressource, non plus comme un atout, mais plutôt comme un problème. Oui. Et en fait, au début des années 1980, on commence à parler un peu dans tous les journaux de France et en particulier dans le Figaro, d'un problème immigré, parce qu'on est bien conscient finalement que les choses ont changé. Les immigrés auparavant étaient perçus comme des travailleurs temporaires. Désormais, les immigrés et leurs enfants sont des citoyens français à part entière et réclament les droits de tout citoyen français. Et puis on voit en parallèle une vague de crimes racistes. C'est la période où on commence à évoquer la chasse à l'arabe. C'est un petit peu ça, la montée du Front National. C'est un petit peu ça, la toile toile de fond. Ce qui nous amène à parler du foyer d'éclosion de cette marche-là, qui est un peu un microcosme, mais qui vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. C'est dans le quartier des Minguettes de Vénissieux, c'est en banlieue de Lyon, que germe donc l'idée de cette marche. Parlez-nous de ce quartier-là, Jean-Pierre Le Glenec. À quoi il ressemble? À quoi ressemble la vie au début des années 80 aux Minguettes? Écoutez, c'est vrai que c'est un quartier vraiment prototypique, j'ai envie de dire, hein, qui naît dans les années 1960, alors que la France est traversée par une crise du logement sans pareil, et alors que la France doit loger des milliers d'immigrants en provenance des Antilles françaises notamment, mais aussi donc d'Afrique du Nord et du Maghreb. Il faut les loger à la va-vite dans des villes nouvelles qui sont créées un peu partout dans les principales, à la périphérie des principales villes de France. Et donc le quartier des Minguettes est une zone à urbaniser en priorité qui est créée à la fin des années 1960. En l'espace de quelques années seulement, 5-6 ans, on construit environ 9000 logements, donc 9000 logements entassés les uns sur les autres avec du béton préfabriqué. Et dans ces 9000 logements, on attire très rapidement, donc en l'espace de 5-6 ans, environ 30 à 40 000 personnes, essentiellement des travailleurs de la classe ouvrière, on va dire à 80% à peu près des membres de la classe ouvrière, environ 10-15% de la classe moyenne dite plutôt inférieure. Alors donc c'est un quartier qui est relativement homogène dans les années 70 sur le plan socio-économique. Mmh. Cependant voilà, ce quartier en raison de la crise de désindustrialisation est transformé à la fin des années 70 et au début des années 80 au fur et à mesure que les plus pauvres s'y entassent et que les plus riches, en fonction d'une logique d'ascension sociale assez classique, se déplacent vers d'autres banlieues plus cossues et deviennent petits propriétaires. Donc à la fin des années 70, début des années 80, les habitants du quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue est de Lyon, dénoncent le chômage, demandent le droit au logement, demandent le droit au travail et dénoncent la brutalité policière, dénoncent les bavures et dénoncent les crimes racistes qui sont en augmentation tout à fait croissante. Il y a vraiment deux vagues de crimes racistes en France au début des années 70 et au tout début des années 80. Entre 80 et 83, on parle de centaines de personnes, des Maghrébins surtout, qui sont pris à partie. Des Français qui se disent de souche et qui réclament finalement le droit de se débarrasser de ces immigrés qui posent, selon eux, un problème. Ouais. Et dans ce contexte que vous venez de décrire, il y aura un premier épisode où ça saute, passez-moi l'expression, à l'été 81. Et puis au printemps 83, nouvel affrontement, nouvelle crise, sit-in à la mairie de Vénissieux, création de l'association SOS Avenir Minguette. Et puis un incident qui va être vraiment l'étincelle déterminante à l'origine de cette marche pour l'égalité et contre le racisme de 83. Cet incident, il implique Toumi Djaïdia. On l'écoute justement raconter cet épisode décisif pour la suite des choses à l'animateur Patrick Cohen à la télé française en avril 2021. En portant secours à un enfant, j'ai comme un pressentiment, j'ai ce policier là derrière moi, j'ai le temps de me retourner et je lui dis « Je vous en supplie, faites pas ça. » Et il me tire dessus. Alors, 9 heures de microchirurgie à l'hôpital. Et l'idée de la marche prend naissance à ce moment-là. Je crois que 40 ans après, se remémorer encore ces souvenirs, j'ai du mal pour une raison toute simple, c'est que j'ai porté assistance à un enfant. Ouais. Et... dans le droit français, on dit non assistance à personne en danger. Je suis resté seulement dans cet idéal de dire je vais porter secours. Ouais. Et on me tire dessus. Et ça a fait boule de neige. Depuis les Minguettes. Ensuite, départ de la marche à Marseille. La Caillole. Et un mouvement qui grossit, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure de son arrivée vers Paris. C'était un élan pour changer la société. Mais enfin, vous n'imaginez pas au départ que ça aurait un tel impact? Non, pas du tout. Je crois que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer un tel événement qui allait prendre de telles proportions. Donc, au-delà de cette étincelle, de cette bougie d'allumage qu'est l'agression, on vient bien de l'entendre, que subit Toumi Djaïdia, comment naît cette idée de marche pour l'égalité contre le racisme? Et qui est derrière cette idée de marche, Jean-Pierre Le Glenec? C'est vraiment intéressant comme question. À l'origine, il faut rappeler tout de même que il y a en effet des affrontements à la fin du mois de mars entre les jeunes du quartier des Minguettes et la police, mais très vite finalement, les jeunes des Minguettes alliés avec les chrétiens de gauche de la banlieue de Lyon décident de choisir non pas la violence mais la non-violence en prenant comme exemple les luttes noires américaines ou les luttes pour la décolonisation de l'Inde. Alors donc il y a vraiment un choix de la non-violence qui est fait, et oui. Cette non-violence-là, elle donne naissance à une coalition tout à fait inédite à l'été 1983 qui donne naissance à la marche. Et cette coalition, elle est portée par les jeunes des Minguettes, hein, donc qui sont politisés, qui sont militants, les associations de défense des droits des immigrés, les principales associations politiques pro-immigrés, dont la CIMAD, un certain nombre de journalistes locaux, régionaux dans un premier temps, et enfin, donc, dernier groupe, un certain nombre de figures politiques, hein, au sein du gouvernement socialiste. Ouais. Et ils prennent donc la route à partir de Marseille le 15 octobre 1983. C'est le début de cette marche. Au début, ils sont une poignée, là. Qui sont ces marcheurs qui vont se rendre sur Paris? Oui, ils sont une poignée de marcheurs qu'on appelle des marcheurs permanents. En fait, les marcheurs permanents seront toujours une petite poignée, finalement, de Marseille jusqu'à Paris. Ils seront rejoints au fur et à mesure que le cortège remontera vers la capitale par des marcheurs plutôt temporaires. Alors, les marcheurs permanents, hein, sont des jeunes des Minguettes, sont des figures, finalement, militantes chrétiennes de gauche dans la banlieue de Lyon. Ce sont des représentants associatifs, ce sont des journalistes, hein, qui travaillent pour des petits journaux locaux. Et ces marcheurs remontent jusqu'à Paris. Et alors, ils sont généralement bien accueillis. Je pense notamment à Montbéliard, Mulhouse, Amiens. Parfois, on leur refuse, hein, tout simplement d'accéder aux installations municipales. Je pense ici aux mairies de droite, plutôt de Dijon et de Poissy. Alors donc, c'est une marche qui est relativement bien accueillie, mais qui est parfois clivante. Ouais. Et au début, elle est assez peu suivie par les médias, cette marche. Mais il y a un événement, la mi-novembre, qui va tout changer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Jean-Pierre Le Glenec? Écoutez, le 14 novembre, dans le train qui relie Bordeaux et Vintimille, hein, trois légionnaires assassinent un touriste algérien du nom d'Habib Grimzi. Et cet assassinat particulièrement horrible choque l'opinion publique. On en parle beaucoup dans les journaux, à la télévision. Et à partir de ce moment-là, finalement, la France tout entière accepte d'une certaine manière de soutenir les marcheurs. Et quand je dis la France tout entière, c'est notamment donc, le gouvernement, hein, de François Mitterrand qui, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'alors en tout cas, faisait attention avec ces marcheurs, hein, parce que pour des raisons politiques, il fallait surtout pas trop les soutenir. À partir, hein, du meurtre d'Habib Grimzi, François Mitterrand accepte de soutenir totalement la marche, et il recevra d'ailleurs à l'arrivée des marcheurs, hein, certains de ses représentants, oui, afin d'écouter leurs doléances. Oui. Et cette marche, donc, pour l'égalité, à partir du moment où cet assassinat de Grimzi fait qu'on s'y intéresse, fait qu'il y a une plus grande mobilisation, une plus grande sensibilisation autour des enjeux que soulèvent les marcheurs en France. Elle va donc se terminer, cette marche, le 3 décembre. Et dans ce contexte-là, ils réussissent à transformer cette marche en grand rassemblement. On parlera de l'importance historique que ça a dans un instant. Mais on écoute d'abord le compte-rendu qu'en faisait le journal télévisé de 20 heures d'Antenne 2 à l'époque de cette arrivée des marcheurs à Paris le 3 décembre 1983. 30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme, venus de la France entière, en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. Pour les marcheurs, tout a commencé vers 13 heures avec le repas. Enthousiasme et émotion, bien sûr, mais aussi un peu d'inquiétude, car ces enfants d'immigrés qui marchent depuis un mois et demi ont fait le pari de rassembler 100 000 personnes. Ils ont fait le pari de réveiller les Français, ces Français précisément qu'ils ont appris à mieux connaître à travers cette marche. On était partis en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir des enfants qui viennent à notre rencontre, même jusqu'à voir un policier porter les cuissons Marche pour l'égalité, alors, même du côté de la police. Ça y est, la marche de ceux qui se sentaient isolés est devenue une grande manifestation. Là, c'est la dernière ligne droite de ceux qui ont déjà 1200 km dans les jambes. De la Bastille vers Montparnasse, en passant par le pont de Sully, on distribue des tracts, mais c'est surtout une grande émotion qui prime. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité. volontaire d'avoir... À quoi ça sert, la solidarité? Oui. À faire voir que les gens sont capables, ensemble, de s'aimer sans différence. C'est pas un tous rêve. De chair et d'eau. Oh, ben, peut-être pour beaucoup, un rêve. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants, peut-être ceux qui ne sont pas encore nés. Quelle importance a ce rassemblement, Jean-Pierre Le Denec, du 3 décembre 1983? C'est un rassemblement sur le plan politique évidemment très important puisque les marcheurs, je le répète, sont accueillis par le président François Mitterrand. Mais sur le plan symbolique, c'est un rassemblement fondamental puisqu'au fond, les marcheurs, je le rappelle, demandent le droit à la vie, ils demandent le droit au logement, ils demandent le droit au travail, mais surtout, ils posent les conditions d'existence de ce qu'ils appellent une France plurielle. Ils insistent sur la possibilité que la France soit plurielle, c'est-à-dire à la fois universaliste, mais aussi plurielle, c'est-à-dire composée de groupes divers et en particulier composée de fils et filles d'immigrés. Alors ça, c'est un message qui est absolument radical et révolutionnaire en 1983, et il est tellement radical et révolutionnaire que finalement, il ne passe pas tout à fait dans l'opinion publique, et dans les années 1980 et 90, on voit plutôt la xénophobie et le racisme ordinaire sans racinés en France, ce qui ne veut pas dire pour autant que les marcheurs et marcheuses n'ont pas semé finalement les graines d'une France véritablement plurielle qui émerge peut-être en 1998, notamment avec la victoire de la France à la Coupe du Monde. On parle alors d'une France black-blanc-beurre. Donc quelque chose s'est passé au début des années 1980, quelque chose n'a pas été réalisé totalement, mais c'est un début. La graine est semée à ce moment-là. C'est ce grand rassemblement de Paris en décembre 83, je pense qu'on peut dire peut-être la première grande manifestation antiraciste d'envergure de l'histoire contemporaine de France. Il y aura ce passage à vide que vous décrivez, mais la graine est semée à ce moment-là. Vous parliez du président Mitterrand qui va accueillir certains marcheurs. Il y aura certains gains très concrets. Quels gains feront les marcheurs, Jean-Pierre? Les marcheurs font un gain vraiment central. Ils obtiennent la carte, enfin le droit finalement pour les immigrés d'avoir une carte de résident pendant 10 années, reconductible automatiquement. Alors c'est une carte qui n'existait pas auparavant. Les immigrés devaient passer à travers un processus très aléatoire de reconduction finalement de leurs droits. Alors c'est un droit important qu'ils obtiennent, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient demandé. Il faut le préciser, oui. Les marcheurs demandaient d'abord et avant tout le droit au bonheur, le droit au logement, le droit au travail, mais surtout la fin des violences policières. Donc d'une certaine manière, ils obtiennent quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé, mais ils n'obtiennent pas la fin des brutalités policières, ils n'obtiennent pas la fin de cet hyper-pouvoir qui est exercé par la police en France, et notamment des compagnies de police particulièrement détestées par les jeunes des banlieues, qu'on appelle les compagnies républicaines de sécurité. Ouais. Jean-Pierre Le Glenec, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, ami de l'émission, c'était un bonheur de vous recevoir et de vous entendre nous raconter cette histoire de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.